Le comité bulgare à la mémoire du président Gmelson est constitué le 10 courant à Sofia, Bulgarie. Le comité a décidé d'organiser le meeting de souvenirs, le séminaire sur ses exploits et la séance de film à l'occasion du 23e anniversaire du décès du président.